Comment dites-vous « j'étais » ? Ich war. Ich war. Nous étions. Wir waren. Wir waren. Ce serait possible. Es wurde. Vous venez de dire « cela devenait ». Mais je vous ai demandé « cela serait ». Cela serait possible, c'est un conditionnel. Es würde. Es würde. Es würde. Vous entendez bien la différence entre « es wurde » et « es würde ».« Es würde dunkel sein » signifie « ce serait sombre », mais « es wurde dunkel » c'est « il commençait à faire sombre, ça devenait sombre ». Revenons à « ce serait possible ». Es. Es würde. Es würde. Es würde möglich sein. Es würde möglich sein. Et il y a un moyen plus simple de dire la même chose, c'est d'employer wäre au lieu de würde sein. Wäre, W-A-U-M-L-A-U-T-R-E. Wäre, qui correspond à serait. En effet, c'est plus facile. C'est comme pour le conditionnel de haben. On avait ich hätte à la place de ich würde haben. Pour sein, on a donc wäre. Comment diriez-vous avec wäre, ce serait possible? Es wäre möglich. Es wäre möglich. Et ce ne serait pas possible. Es wäre nicht möglich. Es wäre nicht möglich. Et comment diriez-vous, ce ne serait pas possible de le faire ainsi? Es wäre. Es wäre nicht möglich. Es. Ainsi, so. Ainsi, c'est so. Alors, de le faire ainsi, es. So zu tun. Bien. Es wäre nicht möglich, es so zu tun. À l'oral, il est plus facile et plus rapide de dire es wäre nicht möglich que es würde nicht möglich sein. Mais les deux formes sont équivalentes. Parlons à présent du verbe sein. À la différence du français, pour le verbe allemand sein, être, on plonge dans le passé à partir du plongeoir être et non avoir. Par exemple, si vous voulez dire j'ai été, vous ne direz pas ich habe gewesen, où gewesen signifie été, gewesen, mais ich bin gewesen. Mot à mot, je suis été. Alors, comment diriez-vous « nous avons été là hier soir » ? Wir. Wir sind. Wir sind. Wir sind gestern Abend dorthin. Non pas dorthin, mais... Ah oui, dort. Oui, dorthin, c'est quand il y a mouvement. Alors, reprenons. Nous avons été là hier soir. Wir. Wir sind gestern Abend dort gewesen. Wir sind gestern Abend dort gewesen. Bien. Donc, wir sind dort gewesen et non pas wir haben. Pour le verbe sein, on plonge dans le passé à partir du plongeoir être. On a donc wir sind dort gewesen. Comment diriez-vous depuis combien de temps avez-vous été là? Wie lange sind Sie dort? Wie lange sind Sie dort gewesen? Wie lange sind Sie dort gewesen? Mais vous direz habituellement wie lange waren Sie dort? Depuis combien de temps étiez-vous là? L'important est de bien dire sind Sie dort gewesen?